J'aurais aimé ne pas avoir à faire cette introduction, mais je suis obligé parce que voilà, dans le podcast, je dis qu'on est à J-6 de la potentielle réouverture parce que j'ai enregistré ce podcast mercredi. Voilà, donc vous l'avez 3 jours après pour la simple et bonne raison que les cinémas ne réouvriront pas. Voilà, donc je suis totalement dégoûté. Vraiment, ça fout un coup au moral. Mais voilà, je ferai un épisode spécial dédié à l'avenir de ce podcast, du coup, puisque bah, j'avais déjà tout prévu, mais Monsieur Macron, enfin Monsieur Castex, plutôt est venu contrecarrer mes plans. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant. En attendant, je vais sortir tous les. Du coup, je vais finir ma semaine film à voir en salle, en sortant tous les épisodes d'un coup. Voilà, donc je vous laisse avec l'épisode sur Lex Eterna. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité. J-6 avant la potentielle réouverture des salles, et si vous ne savez pas quoi voir quand justement ces salles vont potentiellement rouvrir, on n'est toujours pas sûr, je vous conseille Lux Aeterna de Gaspard Noé. T'es déjà brûlé sur un bûcher? Ce qu'on va faire tout à l'heure? Ouais. Ah non, non, non. Non. C'est classe, hein? Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais, ça trop de gueule, Jean. C'est trop chic, parce que t'es la reine du village à ce moment-là. On arrête tout, j'ai dit. Charlotte, on va dégager. Silence! J'ai dit qu'on arrêtait tout. Voilà, c'est bon. Charlotte, c'est super. On arrive quelque part. Charlotte, tu brûles. Détachez-moi. On va pas. Alors il faut savoir que Lux Aeterna, dans tous les cas, j'en aurais parlé dans ce podcast, voilà. Parce que c'est vraiment, je l'ai mis dans mon top 2 de l'année minimum, voilà, j'hésite même à le foutre top 1. Encore une fois, film de Gaspard Noé, encore une fois, j'adore Gaspard Noé, je suis pas du tout objectif. Ça raconte l'histoire de Béatrice Dalle qui veut tourner son premier long métrage en tant que réalisatrice. La première scène, c'est une scène d'ailleurs où les deux discutent et où elles parlent de leur carrière et de cinéma en général. J'aurais pu rester 1 heure et demie devant ces deux personnes qui parlaient tellement l'impro est bien gérée, tellement c'est. Elles sont. Voilà, elles captent l'attention, elles arrivent à parler de leur passion et moi ça me passionne tout simplement. Après cette discussion, on va appeler Charlotte pour qu'elle aille se préparer, qu'elle aille sur le plateau. Sauf que, en fait, il n'y a rien qui va. Béatrice Dalle, plus personne ne peut la saquer, voilà, tout le monde n'en veut plus d'elle. Le producteur cherche un moyen de la virer. Le chef-op, voilà, le chef-op, il est ignoble. Le chef-op, il est ignoble. Vraiment, vraiment, c'est un connard, mais vraiment un vrai connard. Enfin bref, il a envie aussi qu'elle dégage pour lui reprendre les rênes et faire son film. Enfin, voilà. Globalement, il y a tout le monde qui veut la place de tout le monde, les gens peuvent plus se blairer et forcément, bah, ça part en couille. Voilà, clairement. C'est un film qui est connu pour être expérimental, puisque. Alors, expérimental, c'est le bon mot. Voilà. Alors, à la base, il faut savoir que c'est le directeur artistique de Saint-Laurent qui est venu chercher Gaspard Noé en lui disant on a un budget dédié pour des courts-métrages ou enfin des projets artistiques, donc est-ce que ça te dirait? Gaspard Noé dit bah oui, mais j'ai pas d'idée pour l'instant, mais laisse-moi réfléchir un peu, et voilà. Donc, du coup, il a eu cette idée-là. De base, ça devait faire maximum 10 minutes, sauf que il a commencé à filmer avec plusieurs caméras, et au finalement, il avait tellement filmé qu'il s'est dit qu'il allait faire un film de 52 minutes en split screen. Voilà, tout simplement. C'est un moyen métrage du coup, enfin un moyen métrage. Officiellement, cette appellation n'existe pas. Officiellement, c'est un court métrage, mais bon, voilà, c'est un moyen métrage. C'est pour ça du coup que j'ai un espoir. Enfin, même si à mon avis, ça n'arrivera pas, voilà. Mais que Gaspard Noé soit nommé au César. Enfin, que Lux Aeterna soit nommé dans le meilleur court-métrage au César. Pourquoi je dis que ça n'arrivera pas? Parce que tout simplement, c'est comme je dis, expérimental. Voilà. C'est quasiment de la full impro. Il n'y a aucun scénario. Enfin, il y a du scénario, bien sûr, mais la plupart des scènes sont en impro, comme dans beaucoup de films de Gaspard Noé. Et les 10 dernières minutes, c'est que du stroboscope ultra vénère. Voilà. Tout le temps, vraiment, que du strombo. Ça fait rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Et donc, si vous êtes épileptique, vous décédez, voilà, devant ce film, tout simplement. Donc ouais, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que voilà, Après, je pense que y a rien de choquant vraiment comparé aux autres films de Gaspard Noé, que ce soit Seul contre tous, Irréversible, Climax, tout ça, voilà. Il n'y a rien de choquant visuellement. D'ailleurs, il n'a eu aucune restriction le film. Enfin, il y a eu un avertissement pour les épileptiques, mais il n'y a pas eu de restriction moins de 12 ou moins de 16. C'est la première fois que ça arrive pour Gaspard Noé. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va vous choquer visuellement si vous n'êtes pas épileptique. Ça peut être désagréable, forcément, les strombos. Moi, bizarrement, alors j'ai vu le film 3 fois. Voilà, 3 fois en salle. Bizarrement, plus je le vois, plus je trouve ça agréable. Plus je trouve ça agréable, les strombos. C'est vrai que, bon, la première fois, je l'ai vu, il était. La séance a commencé à 22h20, il me semble. C'était avant le couvre-feu. Donc du coup, oui, mes yeux, ça piquait un peu, parce que voilà. Et donc du coup, je sais pas, c'est chelou, mais au fur et à mesure, ouais, ça devient agréable. Parlons encore une fois de l'univers visuel, voilà, tout ce qui est visuel. Encore une fois, je salue le chef opérateur de Gaspard Noé, qui ne m'écoute sûrement pas, mais c'est pas grave, voilà, Benoît Deby, un grand monsieur. Un grand monsieur, Benoît Deby, qui arrive à chaque fois à créer des univers qui vont... Alors oui, des fois c'est vrai, certains peuvent le qualifier d'un peu répétitif, sa photographie, mais elle reste magnifique et ça reste de quelque chose de très esthétique. Là, les couleurs des strombos à la fin, c'est-à-dire le bleu, le vert et le rouge, on va les retrouver tout le long du film. Voilà, c'est encore une fois un film qui va être très très très beau visuellement et les deux savent parfaitement collaborer ensemble, voilà. Et d'ailleurs, Gaspard Noé a dit que s'il s'était permis de faire le chef-op qui était un connard, c'est parce que lui il s'entendait bien avec son chef-op, voilà. Et les deux savent parfaitement collaborer, les deux s'entendent bien, les deux savent ce qu'ils veulent et c'est absolument formidable, voilà. C'est génial, j'espère qu'ils vont continuer encore, voilà, qu'ils vont faire encore plein plein plein de films ensemble parce qu'ils vont parfaitement ensemble. Ça a commencé avec Irréversible. Déjà Irréversible, j'étais bluffé par la photo. Et voilà, et après tous les films que j'ai vus de Gaspard Noé, c'était Benoît Deby à la photo et j'ai encore été bluffé. Et donc on a encensé Benoît Deby, on encense maintenant Gaspard Noé. Voilà, encore une fois, il prouve que c'est pour moi, alors ça n'engage que moi, ce que je vais dire, voilà, vraiment ça n'engage que moi, mais Gaspard Noé, pour moi, est le meilleur réalisateur français à l'heure actuelle. Voilà, pour moi, en tout cas, allez, je vais rectifier, et mon réalisateur français préféré, voilà. Après, je pense que c'est pas volé, parce que, enfin, voilà, je vais pas détailler, c'est quelqu'un qui sait parfaitement quoi faire de sa caméra, qui a une mise en scène que je trouve super intéressante, qui va beaucoup utiliser le plan séquence, ça aussi ça joue parce que le plan séquence c'est quelque chose que j'adore. Là je crois pareil que Lux Eterna, il y a pas que du plan séquence, mais il y en a énormément. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste voilà, super bien réalisé. Certains diront qu'il se renouvelle pas dans sa réalisation. Je suis pas spécialement d'accord. Je suis pas spécialement d'accord parce que... On voit des trucs qu'il n'y avait pas dans Climax, pour moi, je trouve. Après, voilà, encore une fois, c'est personnel. Ou au contraire, il y a des trucs qui étaient dans Climax et qu'on ne retrouve pas dans ce moyen métrage. Là, je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait un split screen. C'est pour ça que je dis aussi que Gaspard Noé, même s'il reste très fidèle à sa réalisation, quand même arrive à innover. Parce que le split screen, voilà, surtout utilisé de manière dont il l'a fait, on l'avait jamais vu dans son cinéma. Ou en tout cas, pas dans les films que j'ai vus. J'ai pas vu tous les films de Gaspard Noé. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vu, on l'avait jamais vu, voilà, ce split screen. Alors je trouve quand même qu'il y a une belle continuité avec Climax au niveau de la réalisation. Mais voilà, ça arrive quand même à se démarquer et c'est absolument fabuleux et l'idée du split screen est très bonne, même si ça devait pas se faire comme ça de base, voilà. Il a juste filé une caméra à Benoît Deby et du coup bah, ils sont retrouvés avec beaucoup de rush et ça fait un split screen et c'est vachement bien géré. C'est pas forcé, voilà, on le sent pas forcé le split screen. Ça permet de suivre, voilà, d'avoir plein de points de vue en même temps et c'est super intéressant comme effet, donc franchement pari réussi pour le split screen. Au niveau du jeu d'acteur, ça joue très très très très bien, voilà. Tout simplement. On va pas, voilà, on va pas détailler Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, valeur sûre. Il y a aussi Abili que j'aime beaucoup, qu'on a pu retrouver dans, voilà, pour son premier rôle dans Mad Max Fury Road, qui est juste époustouflant comme film. Et dans The Neon Demon de Nicolas Winding-Refn. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, essayez. C'est hyper spécial, c'est quelque chose de très poussé vers l'esthétisme, mais c'est formidable. Donc, bon, l'avoir dans un film de Gaspard Noé, c'était plutôt cool, je dois l'admettre. Et voilà, le reste du casting, bon, il y a beaucoup de noms, chacun se joue soi-même, voilà. Il n'y a pas tellement de personnages, mais ça joue bien. Ça mixe le français et l'anglais, voilà, il y a des comédiens qui parlent anglais, d'autres qui parlent français, d'autres les deux. J'aime bien dans ce film parce qu'on a aussi des caricatures, par exemple, bah, Béatrice Dalle le dit elle-même, tu vas voir le producteur, là, c'est une caricature, voilà, vraiment caricature, qui veut, voilà, il veut la virer parce que je sais pas quoi, il va dire à un mec, tu me la suis tout le temps, tu filmes tout ce qu'elle fait, je vais trouver un prétexte pour la virer, j'ai investi de la thune, voilà, bon, c'est le genre de producteur qui va contrôler les volontés artistiques pour penser qu'à sa thune, voilà, le chef-op qui veut faire son film, voilà, qui veut que le film soit le sien, qui veut pas que ce soit Béatrice Dalle la réalisatrice, le chef-op qui veut prendre le pouvoir et devenir réalisateur, finalement, et il y a aussi 2-3 caprices de star avec, c'est Fanny, je crois qu'elle s'appelle, où le maquilleur, par exemple, vient de lui dire, mais toi, t'as rien à faire dans ce film, qu'est-ce que tu fous là, quoi, tu vas pas jouer dans cette merde, etc., enfin, bref, ça montre une vision assez chaotique des tournages, ça peut faire peur si vous voulez vous lancer dans le cinéma, mais quoi qu'il en soit, c'est un film qui réussit ses paris, voilà. C'est un film qui réussit le pari du split screen, qui réussit le pari du Strombo. Alors mes deux seuls regrets, c'est que, mon seul regret, c'est que ce soit pas allé plus loin. Parce que bon, c'est quand même du Gaspard Noé, donc on aurait bien aimé que ça aille un peu plus loin. Par exemple, il y a une intrigue sans hors contexte pour ne pas spoiler avec la fille de Charlotte Gainsbourg qui bon est justifiée, mais qui aurait pu aller plus loin, ça aurait pu être plus intéressant à développer. Après, voilà, moi j'aurais bien aimé voir ce film en long métrage. Parce que bon, les 50 minutes, on passe comme 10, quoi. Voilà, vraiment, c'est super rapide, tellement on voit pas. Tellement le film est bien, on voit pas le temps passer. Et sur la fin, où il y a tous les trucs épileptiques, j'aurais bien aimé qu'il se passe un truc avec le bûcher, qu'il mette la vie de Charlotte Gainsbourg en danger. Alors, j'ai l'air d'un gros psychopathe quand je dis ça. Je parle scénaristiquement, parce que Gaspard Noé aurait parfaitement bien amené ça. Alors, le problème avec Lux Eterna, c'est que, premièrement, c'est un moyen métrage. Donc, de base, c'est pas hyper bien distribué. Deuxièmement, il est sorti en septembre, 23 septembre. Donc, il a quand même eu pas mal d'exploitation. Et troisièmement, c'est fait par Gaspard Noé, donc ça attire pas le grand public. Donc, je doute que vous le trouviez très facilement en salle. Mais je pense qu'il peut être trouvable dans 2-3 salles indées. Si vous savez où aller, voilà. C'est pour ça que je me dois d'en parler, parce que j'ai beaucoup trop aimé ce film. Et faire un podcast qui résume les films qui aura à voir sans parler de Lux Eterna, pour moi, c'était impossible. Voilà. Donc je sais que, bah, justement, Gaspard Noé, ça ne plaît pas à tout le monde. Si vous n'avez pas été convaincu par ce film, c'est pas grave, on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation de film à voir en salle.